la connais pas carré. J'ai bigot sur écoute, j'vais pas tout déclarer. J'te cache pas, j'suis rentré dans sa tête. Elle voudrait mon cœur, mais c'est interdit. À quoi ça sert d'avoir des ailes? À quoi ça sert d'avoir des ailes? Si sa beauté me donne des vertiges. Tu sais, j'ai le cœur blessé. Baby, viens me combler. Dis-moi pourquoi je te laisserai. C'est toi que j'attends. Je l'ai rendu tellement sentimental. Sentimental. Ma course est abolie, ce n'est plus rentable. Plus rentable. J'ai les yeux vers le ciel. J'ai les yeux vers le ciel. Et je pense à toi. Je pense à toi. Quand je donne l'argent du terrain. L'argent du terrain. Tu penses à moi. Tu penses à moi. Deux pas sur le côté, je fais danser tout Paris. C'est que je suis coté, je suis comme un Qatari. Tu voulais du temps mais j'ai la flemme. Tellement de choses que je dis pas. On m'a dit le roi protège la reine. Si la monnaie ne suffit pas. Tu sais j'ai le cœur blessé. Baby viens me combler. Dis-moi pourquoi je te laisserai. C'est toi que j'attends. Je l'ai rendu tellement sentimental. Sentimental, ma gosse est impolite, ce n'est plus rentable, plus rentable. J'ai les yeux vers le ciel, j'ai les yeux vers le ciel. Et je pense à toi, et je pense à toi. Quand je donne l'argent du terrain, l'argent du terrain. Tu penses à moi, tu penses à moi. Tu sais j'ai le cœur blessé, baby viens me combler. Dis-moi pourquoi je te laisserai, c'est toi que j'attends.